We're too bad to fall.

from a thousand goodbyes. That was great. You can write, but I won't reply. You know we are the leafers. I'll tell you a secret. It's better to leave us alone. It's been terrific to know you, but we really can't stay. Tomorrow's new country calls us home. So old, always be the one not on his own. Never gonna hide the side of death away. Living in a world where all is good. never gonna be all that I should. A time to open up my mind, the fears to live, a truth to find my way. Looking down into my soul. I am the light, I am the love, I am the darkness inside. You are my light, you are my love, fading so far away. Never have I seen the sun so bright, walking in the heat into the night, never having thought the time would slip away. Stepping out upon the stage, the noise, singing out the words, one will, one voice. A time to open up my mind, the fears to live, the truth to find my way. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a démarré avec Marillion pour deux raisons. Tout d'abord, la parution de leur nouvel opus Fears, et aussi parce que Marillion, le groupe british, sera dans nos murs le 11 décembre, c'est dimanche prochain. Ils seront au Radiant, donc Marillion. Superbe album et mini tournée en France, donc retenez bien cette date, le 11 décembre au Radiant, c'est à Caluire. On a continué avec Magenta et qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir sur le retour. Magenta, Chaos from the Stage. Chaos from the Stage, un double album, un CD et la version DVD ou si vous préférez, le DVD et sa version CD. Ça fait plaisir de revoir Christina en pleine forme avec la pêche qu'on lui connaît après les problèmes de santé qu'on a tous su et de voir que le groupe a toujours ce plaisir, cette joie de jouer. Chaos from the Stage. Voilà pour deux formations britanniques. On continue cette fois-ci avec mes amis Iceberg. Iceberg est un jeu de mots. Ils sont allemands et ils sont de retour avec Masquerade. Masquerade, masquerade. Et donc Iceberg, ça s'écrit E-Y-E-S-B-E-R-G. E-Y-E-S-B-E-R-G. Et vous allez voir, c'est de très haute volée. Masquerade. Social media. Les Allemands d'Iceberg, un album intitulé Masquerade. Ils sont de retour et ça fait bien plaisir. Je veux parler de Mann, M-A-N, non pas Manfred Mann, mais Mann, ce groupe gallois des années 70, à la limite du prog, du jazz et du folk, un mélange assez subtil. Et ils sont de retour, en tout cas une partie du groupe, et ils ont pris le nom très astucieux de Son of Man, Son of Man. Le fils de l'homme. Et donc, ils sont de retour avec un premier opus, un premier album, puisqu'ils redémarrent leur carrière. Ça s'intitule pareil, hein, Son of Man. Et je vous propose un large extrait tout de suite. Throw a line in the sand. Son of Man. On continue l'exploration des nouveautés avec Grand Val. Grand Val, c'est mon ami Henri qui est derrière ce projet, un rêve de gosse. Il a enfin réussi à l'accomplir, à réaliser son album qui s'intitule « À ciel ouvert ». Voilà, je vous propose un large extrait avec notamment Jean-Pierre Louveton de Nemo à la guitare. Grand Val. Vent dans les ombres, ballerine, retour à la nage. dessine, larmes en vagues, des ballerines, je divague, un drôle de rivage, un rayon dans le ciel, un retour à la nage, vent dans les ombrelles. Grand Val à ciel ouvert. On continue l'exploration des nouveautés françaises en matière de progressif avec cette fois-ci un groupe de Perpignan, si je ne dis pas de bêtises. Il s'intitule, ce groupe s'appelle Audio M, audio comme audio, et puis apostrophe et M comme la lettre. Le premier album qui s'intitule pareil, Audio M tout de suite sur le 100.7 et c'est Prog à part l'émission du rock progressif bien sûr. Beggarman, who are you? Vicious man, I'll tell you. You were alone in the dark moonlight, high in a prowler of the night. Wounded beast, heal you, hearing your tale of woe. Then I gave you friendship to lessen your sorrow. My new friend cheated on me, from my home I had to flee. I gave a wolf a bed for the night. He gave my girl stolen love bite. Cheated on me. pieces my heart, the shots pierce my heart, fell apart. Thank you. Et oui, c'est bien troussé tout ça, j'aime beaucoup, j'avoue. Audio M, A-U-D-I-O, apostrophe, M, c'est français, c'est des gens qui ont dû écouter dans leur jeunesse les premiers Marillion, et on va pas leur jeter la pierre, bien au contraire, il faut les soutenir, ces petits jeunes. Voilà, superbe tout du long. Il reste encore quelques pépites du passé, des années 70, du prog, qui restent inédites, ou en tout cas non rééditées, sous forme de CD avec des bonus, avec un livret, notamment en Angleterre. Et nos amis d'ésotériques s'attellent depuis plusieurs années à découvrir et à refaire vivre ces pépites du passé. Je vous fais pas attendre plus longtemps pour vous présenter Gravy Train, un groupe donc anglais qui a commis, je crois, 4 albums de mémoire. Voici la réédition de leur meilleur. Il s'intitule Staircase to the Day. Ça date de 75 et vous allez voir, c'est une pure merveille. Gravy Train. Thank you. Quatrième et dernier album de Gravy Train, Staircase to the Day. Vous pouvez pas le rater, il y a une superbe pochette de Roger Dean, Gravy Train. Les musiciens ont disparu après dans la nature, à part un qui a collaboré au projet Mandala Band. On continue avec quelques nouveautés italiennes. Tout d'abord, un jeune groupe qui s'intitule Alta Via et un album intitulé pareil, du néo-prog symphonique comme je l'aime bien. Voilà tout de suite sur Prog à part, Alta Via. It's not how it's meant to be. All this ambiguity.

Résumé des chapitres précédents. Après le premier groupe italien Alta Via, vous avez pu entendre une deuxième formation italienne, Karma Moi, ça s'écrit K-A-R-M-A-M-O-I. Un album intitulé Silence Between Sounds. Silence Between Sounds. Et enfin, on a terminé avec un groupe suédois, et j'insiste sur la nationalité suédoise, un groupe intitulé Salva, S-A-L-V-A, un premier opus intitulé Sigh of the Boreas, Sigh of the Boreas. Voilà, c'est suédois et ça vient également de sortir. Tout ceci pour vous dire que c'est la dernière émission de l'année. Excusez-moi, j'en ai éternu. Je disais donc c'est la dernière émission de l'année. Je vous retrouve l'année prochaine en 2017, le lundi 9 janvier de 20h30 à 22h30. Entre-temps, eh bien j'espère que j'aurai soigné mon rhume et que surtout vous aurez eu le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir en podcast haute qualité, c'est même en couleur, paraît-il, et en 3D, cette émission sur le site d'Acid Dragon, A-C-I-D-R-A-G-O-N, il y a même 2D.eu. Vous tapez Acid Dragon, magazine de rock progressif, vous cherchez Prog à part et vous découvrez, oh, ébahi, l'émission, la nouvelle émission, celle de décembre. Voilà, donc, c'en est fini pour décembre, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et d'ici là, tenez tati. Ciao, ciao. C'était Prog à part, une émission proposée par Thierry Sportouche. La version sonore du magazine Acid Dragon.